Ça veut pas que tu ramènes des Arabes. T'es de quelle origine, toi? Guadeloupéenne. Et ta mère, elle veut pas que tu ramènes des Arabes? Ouais. Pourquoi? Parce que ma mère, elle a dit que je dois me marier avec ou un Français ou un Guadeloupéen. Et pourquoi pas d'Arabe? Quoi? Et pourquoi pas d'Arabe? T'as dit quoi? Et pourquoi pas d'Arabe? Eh mon gars, il y a un contexte à prévoir. C'est ma mère qui a dit ça. Elle est sur le bigot. Et toi, tu l'écoutes, ta mère? Oui, j'écoute ma mère, c'est ma mère. Oui, mais elle t'a pas dit pourquoi pas les Arabes? Elle en veut pas. Pourquoi? Je sais pas. Ta mère, elle est raciste. Mon gars, c'est du shit, tu vois. Ta mère, elle est raciste. Ma mère, elle est afrique, elle aime pas les Afriques aussi. Ouais, elle est raciste. Elle est raciste, ouais. Elle est raciste. Elle se considère pas comme noire, ta mère, elle se prend pour une blanche. Ma mère, elle est métisse, ma mère. Et alors, elle se prend pour une blanche, elle pense pas qu'elle est d'origine africaine? Non. Elle dira jamais, en fait, c'est des origines africaines. Non. Pour elle, elle est blanche. Ouais, voilà. Pour elle, elle est blanche. Beaucoup de Guadeloupéens comme ça. Elle est blanche, alors que sa peau, elle est noire. Il y en a. Ouais. Ma mère, elle est métisse, elle est Guadeloupéenne. Ma mère est Guadeloupéenne indienne. De quoi? Les Antilles, ce sont tous des Indiens, de toute façon. Wesh. Ouais. Ma grand-mère est indienne. Moi, c'est moi, je hein? Suis pas. Attends, une micro, s'il te plaît. Non, mais c'est bon, arrête de passer, de repasser. Putain, chaud. Oh, je suis du Vietnam, mais ça va? Ouais, mais attends, on va faire que. Là, ça va, c'est là. Ça commence la musique. Moi, je suis métis. Ah, la musique? Moi, c'est moi. Il faut qu'on. Parce que là, on est en enceinte. Là, oui, ça va. Moi, je vois assez longtemps, de toute façon. Oui, mais Martin, on va se tailler après ta carte. Ouais, non, mais juste. Martin, s'il te plaît. Martin, s'il te plaît. Quel numéro tu veux? Tu vas pas dans le. Mais vous avez déjà fait, non? Non, c'est pas ça. Les parents, ils sont comme ça, que les enfants, ils veulent qu'on leur amène des gens. Les parents, ils veulent que je ramène un catholique, un catho, pas un musulman. Un catho? Les parents, ils veulent que je ramène un catholique. Et toi, t'es catholique, toi? Ouais. Tu vas à l'église, au moins? Ouais. C'est bien. Les parents, ils veulent qu'ils ramènent un catho. Un catholique. Ouais, d'accord. Quoi? Ouais, c'est ça qu'ils veulent, mes parents. Et les musulmans, ils les aiment pas. On a compris, les musulmans, ils les aiment pas. On a compris, ils sont islamophobes. C'est violent, tes paroles. Hein. Mais c'est mes parents. Ouais, bah t'es fier, on dirait. Ça se tient pas. T'es content de ça? Non, je suis pas content. C'est pas mal de faire ça, en plus, sur la radio. Oui, mais il faut que tu le fasses avec un micro. Là, tu as un micro. Voilà, tu vois, il faut que tu lui mettes un micro, parce que sinon, on n'entend rien à la radio. Si tu mets le micro, parce que sinon, en fait, on entend ici, mais on n'entend pas à la radio. Après, il faut le freestyle. Après, il commence, c'est pas jamais. Tu l'approches, le micro, tu le mets le micro à côté, comme ça, on entend. Il est là, là-haut. Ouais, tiens, mais avec. Attends, on n'a pas un autre cas? Ah, c'est le tien. Non, moi, je m'en porte de personne. Marie, joue avec des Français. Tu continues. Non, il n'y a rien dit. Mais arrête de pas... Je dis mariez-vous avec des Français. C'est mieux, va se baisser ici, comme ça, tu vois. C'est moins de bruit. C'est bien ça. Quelqu'un veut lire du poème? Ah, Il vous appelle madame. Après, je parle des soirs. Pour qui tu l'appelles madame? Aïe, ça commence. Fais quoi ici, mon gars, là? Moi, je t'ai pas reconnu, là. C'est un vieux entier. Je vais péter le million. C'est un vieux entier. Avec le feu d'artifice sur les toits de ma testie. Mon gars, c'est pas la vie encore. Mon vieux, il m'a fait niquer là. non. Mes filles. J'aime les filles maintenant. J'ai changé de bord, j'aime les filles maintenant. Quoi? T'es dans la côté des conneries. Quoi? Et Dune, c'est toi qui introduis Dune, l'émission là. J'ai pas le planning. Ça, tu peux donner le planning à Dune pour qu'elle parte, s'il te plaît. On est prêt dans 30 secondes. Ah ouais. Oula. Tu vois pas, je raconte des conneries. Je n'aime pas les filles. Mets ton casque, comme ça tu écoutes ce qu'on dit. Hein. Et on va commencer là. On commence, on est prêt, on est dans l'air. Voilà, Dune, tu peux présenter notre émission qui va commencer immédiatement, je crois, dans quelques millisecondes. Il est quelle heure là? On a l'heure. Il est 17h. Voilà. Vas-y. Oui, allô. Allô, allô. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous nos auditeurs, à toutes nos auditrices. Bienvenue à Radio Métanoïa. On est content de vous retrouver tous ensemble. Je vais vous présenter le programme du jour. Il y a du monde aujourd'hui, des nouvelles personnes, ainsi que les personnes les plus habituées, les plus assidues. Donc nous allons commencer aujourd'hui par Alain, qui en fait va nous faire écouter ses musiques. Par la suite, il y aura MTR qui nous fera un freestyle de ses compositions. Donc on le laissera voguer à ses notes et à ses musiques d'une manière freestylesque. Christina, qui est là avec nous, qui a beaucoup de choses à nous raconter, notamment des choses concernant la culture et les cultures en général. Donc avec plaisir, nous l'écouterons et nous serons tout oui concernant justement sa chronique, Christina. Jason, qui est revenu, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu, on est content de le retrouver. Jason, bonjour Jason, j'espère que tu vas bien. Alors comme d'habitude, Jason adore le foot, alors c'est vraiment un passionné, hein. Il adore vraiment ça. Donc il nous fera sa chronique habituelle, chronique des sports, et notamment la chronique concernant les différents matchs de foot. Et toutes les rencontres qui vont se passer prochainement en matière de foot. Il y aura également Naïe qui est là. Ouais, Naïe. Naïe qui est là et qui va pouvoir se présenter. Tu peux continuer. Se présenter à nous et nous présenter ou bien une chanson ou une chronique comme elle voudra s'exprimer auprès de nous. Voilà. Donc, tout le monde est là, bienvenue à tous, j'espère que vous êtes tous en forme. Vous avez remarqué comme le temps est magnifique, les oiseaux chantent, les fleurs recommencent à pousser, c'est le printemps, à nos fenêtres, les rayons de soleil commencent à nous réchauffer, et c'est très joli à voir, c'est un nouveau recommencement. Donc profitez de ces éclaircies, et bien qu'il fasse un peu frisqué parfois, mais ça fait du bien au moral, j'espère que vous profitez bien. Alors, nous sommes partis pour plus d'une heure ensemble, de folie, de musique, de joie, de rire. Et donc, nous commençons. Allons-y, mes amis. Merci. C'est qui commence là? C'est à qui le droit? Alors, c'est à Alain. Tu vas nous faire goûter ses musiques. Alain, vas-y, tu es prêt? Il faut, voilà, je vous donne. Mais prends le micro là. Prends le micro là. Ouais. Attention, bougez un peu. Merci. J'ai deux rap pour vous faire écouter. Un qui part en couille comme d'habitude, c'est-à-dire sans thème. Et un qui est une chanson d'amour qui me tire à cœur. Voilà, donc si on pouvait mettre le mini jack là, ça m'arrangerait. Tu te mets un truc ? Non, je veux faire écouter un son. Ouais, et voilà. C'est deux one-shots enregistrés la nuit chez moi, comme d'habitude. Non, c'est direct là. Non. Direct, sans l'adaptateur. Voilà. Sans ? Voilà. Installation du matériel pour pouvoir écouter la musique d'Alain. C'est parti. Nous sommes tout oui. Alain, toujours bien quand tu es là. Faut te mettre plus fort. Si chez toi ça. Rapide ou lent comme un ent, tu peux te balader dans ma rue, mais t'es pas aux os. J'ai assez de bédaves, de joints qui puent pour trouer l'ozone. Mes foins de ces bêtises, maintenant je tease, j'ai menti. Pourquoi remplacer une colère par une crise de nerfs? Alors pourquoi remplacer un vice par un autre, encore plus suicidaire? Je reste sobre, mais mon esprit veut pas. Pas de passe au top, pas de salsa. Skiff mon psychiatre et ma psychologue. Je rêve d'elle en chienne et moi en dog. Starfoula, ça se fait pas. Mais fallait que ça sorte de ce rap le mantra. T'emmener dans la cohorte de pensées avec lesquelles je ne peux que danser. Penser les plaies que je me crée quand je pense à tous ces connards qui viennent me tenser. Alors qui est entré, entra à ses risques et périls dans ses délires puérils et ses disques débiles. Les rappeurs à peine nés, qu'ils étaient déjà trop peinés. C'était déjà là avant que t'écoutes la vieille quête les scouts du quartier. N'en a plus pour longtemps, somme toute. Mais à veiller avec ce mauvais froid, ce mauvais temps, je risque d'attraper un rhume. Pourtant, les vapeurs d'échappement sur le banc, j'en fais quoi? Bah, je les hume. Ni Kant, ni hume. C'est du bête, je fume. Y'a des terreurs qui font pas d'erreur jusqu'à ce que sonne l'erreur. Comme le beige qui s'est fait fume, comme un bon bandit. Y'a forcément quelqu'un qui lui a dit à tout à l'heure et qu'il pleure. Mais y'a pas assez de sol pleureur, ni dans le désert assez d'une pour tous les malheurs qu'ont causé ceux qui veulent double part, double dessert. Donc moi je suis pépère, me contente de ma part de misère. Mais c'est peut-être qu'en rajouté, j'ai pas osé. J'aime pas jouter, j'aime bien juter. C'est crado, c'est cadeau. Et si t'aimes pas, bah je vais pas me buter. On est plein sur le radeau et ils sont peu là-haut les pavots. Sont-ils plus heureux? J'en doute, ils sont juste plus mielleux, plus fielleux, plus dalleux. Ces connards se bouffent pas entre eux, ils préfèrent prendre aux nécessiteux. Et quand je crois ce que rap nécessite, c'est une fin. Alors Bolloré, Arnaud, pour ne citer que, j'aurais adoré les faire cuire sur site. Comme un Jedi décapite un putain de site. Bravo. Ouais, bravo, bravo, Alain, comme d'habitude. C'est très, très beau. T'as tes paroles, ton texte, c'est magnifique. Hein. Comment il s'appelle ce morceau? Tu l'as mis sur ton SoundCloud? Il s'appelle Sans Façon au pluriel. Je l'ai mis sur SoundCloud et sur YouTube. Magnifique. Attends, tu peux nous redonner ton adresse de ton site, comme ça, enfin de ton SoundCloud et ton YouTube? YouTube, c'est House Painters. House Painters. Ouais. Comme de pain, comme les peintres de maison. Des maisons, ok. Voilà. House Painters SoundCloud. Voilà. House Painters. C'est un nouveau nom, ça? Non, c'est un ancien nom. Tu as récupéré un ancien nom? De quand j'étais fou. Ah, oui. Sinon, SoundCloud, c'est, il y a plusieurs SoundCloud, c'est Dusk the Painter. Dusk the Painter, ouais. D-U-S-K, voilà, et je vais sinon, le mettre. Ouais. Sinon, je voulais vous faire écouter une chanson d'amour dédicacée à mon amour d'enfance. Ça va plaire à Christiana. Inch'Allah. Christiana, notre chroniqueuse à l'amour, là, attentive à tout ce qu'on passe, on parle de ça. Hein. Ouais, c'est vrai, l'amour, c'est... L'amour, c'est quelque chose, hein. Surtout en printemps. Ouais, l'amour, c'est pas bon. L'amour, c'est pas bon, voilà. Après, on va... Attends, la chronique, ça va arriver. Il faut enlever le masque, là, il faut enlever le masque. Ça va arriver. Je suis malade. Il faut relever le Elon Musk. Ah, voilà. Allez, c'est parti. J'en ai aimé qu'une, ou deux, ou trois, ou toutes. Mais quand je pense à la lune, je suis en déroute. Parce que t'es plus belle qu'elle, J'aurais bien aimé que tu me prennes tel quel. Mais j'ai des efforts à faire et je suis pas très fort, j'ai pas une volonté de faire. Dans ta bonté, t'as bien voulu me tenir la main au cinéma. J'oublierai pas, même si j'oublie ce que j'ai lu, que c'était pas Cro-Blanc, mais un petit navet pour enfant qui m'a apporté ces sensations de prendre la main et l'action la plus tendre, la plus courageuse et la plus gratifiante que j'ai jamais entreprise. Et tu es la femme que j'ai jamais prise, de loin la plus tentante. Comment s'expliquer que plein d'années plus tard, plus de 30, mes rêves tu hantes, à 20 ans comme à 40, amoureux et perdu, les jeux de la vie j'en ai perdu, je vis peu d'une espèce de rente, j'oublie mal les mots qui me tentent, la folie qui s'approcherait pourvu que je la sente, vu que la descente n'est pas drôle et que la montée est terrifiante. J'écris un rap épris, d'un rappeur c'est peut-être pas drôle, et puis tant pis, si t'écoutes et que t'aimes pas, c'est pas de bol. Mais si là-bas, pendant tes 15 ans à la boule, tu tombes sur ce peurat, sache qu'il est pour toi, que je ne pense à toi sans émoi. Tu es ma chimère, mon mystère, que pour toi j'irai au séminaire des messieurs, des mystères. Si les cieux ne te sied, je créerai du beau temps de ministère. Et tant pis si je passe pour un psycho, quand je t'ai pris la main, domino, y avait rien de plus beau. Et tant pis si je passe pour un vieux con, parce que quand pour toi je dansais Michel Jackson, bah y avait rien de plus bon. Merde, parce cadeau, je t'ai laissé filer, terrorisé, il a fallu que je te perde, j'en ai laissé d'autres briller à ta place, d'autres qu'il a bien fallu que j'en lasse. Aujourd'hui, à la moitié optimiste de ma durée, tu m'aurais peut-être kiffé en larbin chez la durée. On aurait peut-être fait l'optimiste en Méditerranée, mais réalise que je suis, faut bien que cette défaite j'y suis, que j'ajoute du bois au brasier pour un peu de chaleur et beaucoup de suie. Bravo. Très beau. Oui, bravo. Très joli. Très excellent, excellent. Ça, c'est des nouvelles compos que tu as fait, Alain, c'est ça hein? Exact. Très ouais. Joli, vraiment très joli. Tu les as fait quand cette année Sur moi, sur moi-ci. C'est moi-ci. Ah, vous êtes tous frères. Ouais, peut-être la première, je l'ai fait il y a 2 mois, je sais pas. Ah bah cool, c'est bien. Moi, tu as repris la, il y a la création. Texte, hein, il y a du texte. Il y a du texte. Il y a du texte. Ouais, voilà. Donc pendant qu'on prépare les autres, c'est intéressant comment Alain il écrit, parce que tu écris de ta vie, tu écris des choses que tu penses, tu ouvres un peu ton esprit quoi au monde. Mm-hmm. Et ça c'est généreux, hein. C'est bien. C'est, il faut partager tout ce qu'on reçoit. Ouais. Don Cherry disait ça, un musicien. Vous connaissez Don Cherry, c'est un musicien, un vieux musicien de jazz, free jazz, truc. C'est, il faut partager tout ce qu'on reçoit, tout ce qu'on a. Les free jazzmen, c'était des voyous. Pourquoi le voyou? Non, c'est vrai. Moi, j'ai entendu une histoire d'un mec qui était fan de free jazz. Ouais. Et son groupe préféré de free jazzmen, il était dans sa ville de campagne, je sais pas quoi. Il se produisait dans sa boîte de lui préférée. Mmh. Il est parti les voir. Et donc il a kiffé le concert et après il est monté en backstage via VIP, je sais pas quoi, pour aller rencontrer les musiciens. Ouais. Et il a voulu payer son joint aux musiciens. Donc il a sorti sa barrette. Et le musicien de jazz, il a sorti un flingue, il a dit donne-moi ta barrette, et il a mis toute la barrette dans un seul joint et il a fumé ça. Il n'a pas fait tomber. Oui, ça c'est avant de jouer, j'imagine. Non, c'était après. Ouais, oui, non, mais Don Cherry, ça, il a, c'est pas seulement un free jazzman, il a inventé un peu la world music, il a fait plein de trucs. D'accord. Et il disait, il faut tout ce qu'on reçoit, il faut le partager. Si on le garde qui est pour nous, on devient malade, tu vois. C'est comme un oiseau qui chante pas. Mmh. Pour les autres, ça commence à générer une espèce de. Ça nécrose. Tu veux, ça nécrose, voilà. Voilà, ça nécrose. Moi, j'ai un truc à dire, on peut pas oublier son amour d'enfance, c'est pas possible. Elle est toujours là, on pense à elle. Mais son amour d'enfance peut t'oublier. Je t'écoute. Mais on s'en fout, on le garde toujours. Après l'autre, il fait ce qu'il veut, mais tu peux le garder. Tu peux le garder dans ta tête, mais tu vas jamais la revoir, c'est tout. Peut-être on peut enchaîner tout de suite avec ta chronique d'amour. Tu veux parler de quoi, Jordi Christina? Bah, moi, je vais parler des cultures en amour. Ouais. Attends, Christina, elle voulait parler de quelque chose. Ouais. C'est lui, après, c'est nous trois. Après. Ouais, mais on échange un peu. On échange. On parle. On enchaîne parce que tu vois, elle parlait de l'amour. Tristana, il fait une chronique depuis des années sur l'amour. On fait un petit break, voilà. On ne peut pas te presser, là. C'est bon. Cool, tranquille. Tranquillos. Tranquille, mon gars, t'es désespéré en amour ou quoi? On a tous des hauts et des bas, tu vois. Ouais. Attends, mais tu prends le micro, tu parles en micro, là. T'es désespéré de l'amour. Ouais, comme je disais, l'amour, c'est bien, tu vois. Faut s'aimer les uns et les autres. Jésus, il a dit, faut s'aimer les uns et les autres, tu vois. Mais quand il s'agit des femmes, là, faire attention. Hein. Parce qu'il y en a, ils sont tombés de haut, tu vois. Après, c'est mon côté macho, tu vois. Bah, au moins, tu le reconnais maintenant, c'est mieux, ça avance. Et Dieu. C'est ton côté macho, c'est le côté que j'aime pas du tout d'un homme. Bah, après, moi, une femme, elle doit rester soumise, quoi qu'il arrive. Tu vois. Soumise. Ah, en fait, tu me dis ça, soumise. Quoi qu'il arrive, ouais. Mais c'est toi, tu dois être soumis, oui. Reste soumise, quoi qu'il arrive. Non, je veux pas rester soumise, t'as rêvé, mon gars. Bon, bon, déjà, il reconnaît qu'il est macho, ça va mieux qu'avant. Ça va, c'est un petit progrès pour l'humanité. Parce que les hommes, c'est les premiers. Hein. Non. Non, mais là, on est en train de... On est des avant-gardistes, tu vois. Non. Avant-gardistes, toi, tu fais à manger, moi, je suis assis. Moi, je suis assis derrière la télé, tu vois. Mon gars, t'as rêvé. Bon, peut-être on va le laisser si chanter comme ça. Si c'est des conneries, c'est pas la peine, en fait. Mais après, c'est la nature. Non, mais faut arrêter de dire des conneries. Ça fait longtemps que t'es pas venu, mais tu reviens à faire chier avec tes phrases pourries. C'est la nature qui est comme ça, j'y peux rien, tu vois. C'est dans ta tête que c'est comme ça. Je sais que ça peut énerver, mais... Mais t'es agaçant, tu mérites des baffes, franchement, je fais le ramadan. Non, n'est pas là. J'ai pas la haine, t'es idiot, t'es bête. Bah après, c'est pas de ma faute, si on est les premiers, tu vois, on est les premiers. T'es les premiers des cons, hein. On est les premiers. T'es premier, sors de là, mon gars. On est les premiers. Eh, mais quand vous vous retrouvez tous les deux, vous avez QI de deux, quoi. Ouais, quoi couper. Bon, Attends. On va le laisser chanter. Mais après, c'est pas méchant. C'est pas méchant. C'est débile. Non, mais franchement, t'inquiète pas. Franchement, tu devrais te taire, c'est mieux. T'inquiète pas. Mais tais-toi, c'est mieux. Franchement, tais-toi, tes neurones, t'en as pas. T'as pas de neurones, mon frère. Tu parles d'amour, mais tu vas rencontrer personne, toi. Jamais tu rencontreras quelqu'un. Moi, j'ai trois femmes. Mais trois femmes, faut les trouver. Déjà, trouve une, déjà. Toi, trois femmes, t'as de l'argent pour les aider. T'as de l'argent pour elles. Elles sont rentrées là-bas. Bon, et peut-être on va laisser... On n'est pas au collège, là. On n'est pas au collège. Après, t'as vu, moi, c'est ma vision des choses, tu vois. Mais on s'en fout, ta vision des choses. C'est ça que tu sais pas. Ouais, mais c'est la chronique. On s'en fout. C'est ta chronique, c'est pas ta chronique. C'est pas une chronique, ça. C'est pas la chronique. Moi, je suis féministe. Reste soumise, quoi qu'il arrive. C'est tout ce que j'ai à dire. Soumise ! C'est moi, je te soumire, tu vas voir. On dit pas à soumire. Et pourquoi t'enlèves jamais ton masque, en fait? Pourquoi t'enlèves jamais ton masque? C'est son élo masque. Attends, je vais te répondre parce que... C'est... Depuis que t'es là, on n'a jamais vu ton visage. C'est esthétique. C'est esthétique. Mais à mon avis, c'est COVID, le même masque. T'as le Covid. Laisse tomber, quoi. Il y a le Covid éternel. J'ai pas entendu ce que tu m'as dit. Il y a le Covid éternel. On n'a jamais vu sa tête depuis que je le connais. On n'a jamais vu sa vraie tête. Ouais, mais après, c'est... T'inquiète pas pour moi. Tu vas jamais avoir de meuf, mon gars. Moi, j'en ai trois sur la maison. N'importe quoi. Elles sont en train de... C'est interdit par la loi en France. Elles sont en train de me faire des raviolis. Bon, et... Christiana, peut-être on va la laisser chanter parce que c'est des foules un peu, sinon... D'accord. Ils sont en train de me faire des raviolis, t'inquiète pas. Voilà, c'est le Macho Boys, chanter. Pizza au saumon, t'as capté ou pas? T'as capté ou pas? Bon, c'est l'adolescence. C'est pas possible. C'est débile. Et moi, je fais honneur à mes gars. Eh, mais heureusement que t'es pas là souvent, la vérité, hein. je le dis comme je le pense. Après, je le dis comme je le pense. Le niveau, il est bas. Le niveau, il est bas. Blague à part, Non, y a pas de blague à part. Y a pas de blague à part. Tu racontes de la merde. T'as un QI débile. T'es débile. Tu mets les nerfs. J'ai envie de te foutre des baffes avec ton masque, la pourrie, là, qui date des années 10, là. Bon, t'as quel âge en fait? T'as quel âge? T'as 16 ans? T'as 15 ans? Mais sois adulte un petit peu, sois mature. Tu viens ici, tu fous le bordel avec tes phrases. Tu fous le bordel. C'est quoi ça? Non, parce que tu m'énerves en fait. T'es complètement t'es vraiment incroyable. Mais justement, c'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est incroyable. T'arrives ici, tu fous la merde, après tu t'en fous, t'as quel âge? Sois plus responsable que ça. Tu t'en fous, t'as quel âge? Réponds. Idiot que tu es. Dieu, c'est pas la peine de s'énerver là. On est là, c'est idiot, c'est normal que t'es célibataire, tu resteras célibataire toute ta vie. Ouais, c'est t'as ça dans tes rêves. Ouais, on va être bon, c'est chaud, Yandy. Le métanoïaque. Exactement, ça, il est puceau. Ouais, voilà. Dune, voilà, ça va. On va laisser chanter, on va se défouler et puis après on va passer. Non, c'est chose. Bon. Hein. Bon, t'es on va mettre un peu de musique. T'es puceau, ouais, elle a raison, je suis d'accord. Ouais, ouais, t'es puceau. C'est PLMV. Si t'as des meufs, t'as pas de meufs. Le sucre. T'es puceau. T'es puceau maintenant. T'as plus le puceau. On n'a pas le même vécu, pas la même peine, pas la même vie, non, pas la même haine. 9-3, on ne vient pas du même game. Marocaine de Ketama, on ne vit pas la même merde. Qui t'a dit qu'elle et moi c'est la même? Ta faim, tu vas au grec et tu te la fermes. Je suis sur le marché, parlez-moi oseille. En Inde, mais comment fait-elle? On n'a pas les mêmes envies, pas le même kiff. On ne fait pas le même taf, on mérite pas le même bif. J'kick, click, on sait que tu kiffes. On n'a pas le même rap, pas les mêmes objectifs. Ne me compare pas, on vise pas le même chiffre. T'auras pas le même gain, on met pas la même mise. Ce n'est pas la même meuf, donc pas le même fils. C'est pour mieux te douiller que je joue la naïve. C'est vrai que je suis voyelle et j'encule voyou. T'as posé, je suis rabat et t'aurais wellou. C'est quoi le problème? On va le résoudre. Je vais faire de la couture juste pour en découdre. Je vis dans le flou, pas d'archkick de fou. Du certain connu le flow. Ils sont où les sous? T'as slapé ma limite et y'a quelques défauts. Entouré de fous, je dors plus. J'ai le cerveau plein comme tes yeux coups. Bâtard, je peux te mettre à bout des choux. Mais sais-tu avec qui tu joues? Chut. J'ai entendu le flou, c'est le vécu qui fait la force. Dis-moi pourquoi tu pousses du jack sur moi. Mais à quoi tu joues? Je vais t'enculer jusqu'à ce que ton machin soit mou. On n'a pas le même mental, pas la même force. Toujours entouré des bimes, on n'a pas les mêmes proches. T'as fait ton temps, chacun son époque. Tu vois bien que tu forces, va falloir dire stop. Tu sers à air gros, toi ne boycott. Ce n'est pas la même femme, donc pas la même dot. Me sous-estimer, comment tu oses? Je rappe au culot, je porte la culotte. Ce n'est pas le même tarif, pas le même produit. Fumé, tu as un joint bien garni, me guérit. C'est les mêmes faits commis, mais pas le même bonhomme devant l'OPJ. Papa par ici, négro fragile. Goût de sang dans tes narines. Je te cale à pas des batteries utiles avant d'ouvrir ta gueule. Éduque ta gamine. Voilà, on est là, on est encore là, on est toujours là. Là, on écoutait Suka, c'est un morceau qui s'appelle PLMV, qui m'a été montré par Naïe lundi. Je ne connaissais pas du tout cette. Parle au micro là, si tu veux. Patrick, tu peux lui passer ton casque un peu. Voilà. Donc, Suka, comment tu as connu Suka, Naïe? Sur YouTube. Ah, c'est sur YouTube, comme ça, tu l'as découverte? Ouais, parce que elle rappe bien. J'ai juste tapé rap français féminin. Ouais. Et j'ai écouté. C'est vachement bien ce cas. Ouais. Ouais. Tu vas nous chanter un truc aujourd'hui ou pas? Je sais pas. Peut-être après, ouais. Peut-être pas. On va laisser un peu le MTR qui est prêt. Mais Mais tu peux, quand si tu, ça vient à l'esprit, tu as ton micro, tu me dis et puis tu vas, tu attaques, ok? Ok. On a enregistré des belles choses avec Naïe lundi et samedi à la radio, à l'autre radio Schizophonia. Et puis il cherche, des, comme, Alain, toi qui sais composer, peut-être tu pourrais écrire un truc pour elle. Elle attend, bonjour, bienvenue, rentrez, venez, bienvenue. Hein? Mais venez. C'est où là? Vous venez à la radio ou vous voulez quoi? Juste une feuille et un stylo. Vous venez, restez. Bon, alors MTR, tu es prêt? Non, c'est moi qui dors. Ah, c'est CJ. CJ qui est prêt. Donc, vas-y. Attends, mais tu as mis le câble ou pas? Ah, on n'entend pas là. Bon, tu mets le câble avec la musique. Non, elle est là. Mais mets le micro alors. Non, ce micro il marche pas. Là ça tient? Non, on attend pas bien. Prends ça. Là c'est bon. Non, pas trop. Non, si tu vas craquer. Vas-y, remets. Elle me dit de faire la prière parce qu'il n'y a pas de code de triche. Il n'y a personne qui m'incite. Tu pètes ta tête en asile. Dans le tunnel, il n'y a pas de lumière. Elle, ma mère, fait des prières. Ceux qui m'ont tourné le dos, des gars qui m'appelaient mon frère. On partage un grec, même la même assiette. Hendek, garde la pêche si t'allumes la mèche. Si t'as les couilles avec le fer, c'est pas que t'es du terre-terre. Je fais pas de peur à pour plaire. Nique sa mère, les indique, c'est des faux frères. Rafale de balles, je vais les allumer. Elle est bien loin, l'époque où j'allumais des calumets. Des terres pour avoir ma quicheta, j'ai fait plus de 10K, pas de séquelles, passé au mitard. J'ai gardé ma foi, y'a que Dieu qui peut mettre les barrages. La bagarre, je voulais me faire respecter à mon jeune âge. C'est ma zone, vers là où on pique, crabe le bédo. Prends ta dose, 9-3-1-4-0. Je veux pas de pura pour plaire. Nique sa mère, les indique, c'est des faux frères. Rafale de balles, je vais les allumer. Elle est bien loin l'époque où j'allumais des calumets. On fout le boucan chez nous, c'est le 9-3 à Penavolica. Ouais, ça passe, y'a la brigade. Lourd est mon poids, j'ai serré les poings. Rafale de balles, je vais les allumer. Vas-y, ouais, allez, continue, c'est bon. Bravo, CJ. DJ sur la place. Là. Ici, les Dalton, jeunes comme les abeilles qui butinent du miel. Attends, attends. Ils sautent. Attends. Mange pas, Martin. Si, ça marche, mets le. Voilà. Ouais, ça marche, franchement. MTR 93, 140, 100. Ça déchire ou pas? Ici, c'est les Dalton, les jeunes comme les abeilles qui butinent du miel. Ils sautent les pyramides, ils grappent. Le quartier, c'est en quartier, il partira. Il porte des lunettes du quartier. C'est des mecs du quartier 77195. Nous, c'est les Caraïbiens. Partis au bateau, c'est le couteau pour faire la chasse. perd sa place, c'est un court car glace, ça mange des glaces, il se transforme en glace, je suis Antarctique, il aura des fuseaux horaires pour voyager, fuseaux horaires, futuroscope. C'est sûrement vas-y, j'ai... vas-y. Sauf quoi? C'est bien, Pierre, vas-y, continue. Il y a 93. Mets-le comme ça, Inter, micro comme ça. Là. MTR 93 en l'équipe. On va tous les mitrailler en chasse. Ça rafale dur. Tu mets une cage dans la tête quand tu mets une mitraille. Tu mets bizarre pour dans la tête. Tu mets une bonne tête. Pistolet à billes. C'est une fusée rouge. C'est du sang rouge. Tu mets par terre des gens. J'étais à 5. Allez, allez, allez, allez. À 5? Ouais, allez. MTR, vas-y, tu mets un peu le micro comme ça, rien. Voilà, tu peux le prendre avec tes mains si tu veux chanter comme ça. MTR 93, ça ou quoi les gars, tranquille. MTR, montre si la pyramide quand il chasse, tous les quartiers il ramasse, des coups de batte dans la tête. Parce que le 7 au 9-5, tous les quartiers c'est la guerre. Mitraille dans la tête, pas dans la tête. Parce que les quartiers c'est les guerres. Le quartier 7 au 9-5, avec nous, on dit tout le monde, on est en clash. Tous les rappeurs qui étaient en clash. Du 7-7 au 9-5, pétard dans la tête, fusil à pompe, coup de mortier dans la tête. Quand tu viens, t'es exprès, prêt de brûler. Quand t'es les brûlé, tu viens. De quoi? Wesh. T'es brûlé, t'es un caribien, caraïbien. Quand tu vois le rayon de soleil, tu passes. T'es brûlé, t'es cramé, on dirait un parfait salade, tomate oignon. Quand tu manges, tu craques, t'as t'allé fumer. Empoisonné en pot d'échappement, quand tu roules en jet t'es bolé, tu passes. Ouais, c'est bon. Frère. Voilà, c'est bon. Bravo, Pierre, bien. Ah putain. Moi, je suis. Ah ouais, dernier. Ah, je me casse, frérot. Après, la poitrine, t'as fait. Bah, quel c'est-tu, gang? Pas trop fort. C'est bon, Pierre. C'est nous les loups, hein. Ah, ça, c'est. Quand t'es un prédateur, tu chasses, tu mets plein de. Plein de sang, t'écrases ta tête, tu mets plein d'acide quand tu passes. T'écrases ta tête, on dirait un film d'horreur. Quand tu passes, on mitraille. Wesh! Dégage-toi! Remets, t'as dit un truc pas mal. Remets, frère. En plus, je rappe, tu dis ça, toi. Quand tu passes, avion de chasse, quand tu pilotes l'avion, tu mets une balle sous terre. Ça explose le cratère. Quand t'as du verre, c'est un troupeau de moutons. Ils sont empoisonnés en mode zombifié. Quand tu viens, les œufs ils sont verts. On dirait une tête brûlée vert. Quand tu manges le bonbon, ils transforment en zombie. Quand tu transformes en zombie, t'es un film d'horreur. Resident Evil, ils se transforment en zombie. Quand tu viens, tu fais coup de Kalachnikov dans la tête. B-A-K-E-L, City Gang. Quand tu viens. Gang, B-A-K-E-L, City Gang. Coup de calage dans la tête, quand t'es mort, t'es empoisonné, t'es brûlé. Quand tu manges le bonbon, t'es mort sur terre. On dit un zombie quand tu viens, le kamikaze saute de la tête, t'es mort. Tu passes comme les boxeurs américains, ils se transforment en buffle pour mettre des coups de camp dans la tête. Tout le sang va verser. Parce que t'es mauvais, parce que t'es fort. C'est Popeye qui vient, il va buiser le miel. Gang, Brigitte, je vais rentrer deux mères sans rater. K-E-L, City Gang, 93. Gang, ah ouais. Gang. C'est nous les bonhommes. B-A-K-E-L, City Gang. On aime trop les femmes. On aime trop les femmes. On est polygames. pas de monogamie. On est polygame. On est polygame. On aime trop les femmes. Il n'y a pas de monogamie. Vas-y, tiens, tiens. Gang, gang, gang. B-A-K-E-N. City gang, city gang. Gang. Gang, 140, gang, là, j'ai gang, papa. B-A-K-E-L, City Gang, City Gang. Quand t'es posé au balcon, tu tires une balle dans la tête. Quand tu passes, la police met une balle dans la tête parce que t'es fini. C'est le 14-18, tu passes au tribunal, on met une balle dans la tête. Quand t'es mauvais, tu passes. Moi, je te dis. Gang, gang, gang, gang. C'est GTA, B-A-K-E-L, City Gang, City Gang, City Gang. Gang, gang, gang. Gang, B-A-K-E-L, City Gang, City Gang. MTR, dis-leur comment on fait avec les femmes, dis-leur. Ouais, ouais, mais mon gars. Mon gars, c'est compliqué, vas-y. Complicado. Pas besoin d'allumer ta radio. À tous les feux rouges, on est hal. J'ai fait mes places à la ZUM. Quand j'abois, ça chuchote. Donc je vois sa culotte. C'est notre chroniqueur de ce système solaire qui arrive. Ouais, il a tenu, reviens. C'est le bordel, c'est le bordel, le bordel. Quand on rentre sur là, Jason. Yo, yo, yo. Ouais. Martin, avec tes cheveux bleus, on dirait un schtroumpf. Hey, Martin, il est bleu. C'est un les cheveux. C'est le seul chien avec les cheveux bleus. Avec les cheveux bleus comme Martin. Comme Martin. Ouais, c'est Game of Thrones. T'es hanté. T'es hanté dans la maison hantée. Quand tu passes à Halloween 31 octobre. On te met une balle dans la tête quand tu passes à Bondy. Bondy, c'est le quartier chaud avec du lait de quartier. Wesh! Quand tu passes une flamme dans la tête, c'est flamme olympique. Quand tu viens, on porte la flamme pour venir au Stade de France. Saint-Denis, Bondy, c'est la guerre mondiale. 14-18 dans le soldat, on passe sur le terrain, Bondy. Bondy, 7-7, c'est la guerre. Bondy, tous les quartiers. Du 9-5 au 7-7, y'a beaucoup de gars bavures. C'est la guerre dans les cités. Bondy, tous les quartiers. Bondy et. Attends. Bondy et. Attends. Bondy et Nanterre, c'était la guerre. Bondy, ils attrapaient. Ils ont attrapé dans Nanterre. Bondy et Nanterre, c'est la guerre. C'est des coups de rafale dans la tête quand tu viens. Bondy a tabassé Nanterre. C'était la guerre mondiale 14-18 avec les soldats. Les capitaines, c'est mort. On s'a mitraillé tous. Que Bondy, c'est les pirates des Caraïbes. Bon, c'est. Attends, j'ai mon couplet. Hey. J'ai mon couplet. Ok, vas-y, un couplet, c'est bon. Et après, c'est la chronique de Jason, chronique de sport. Vas-y, RTC. Fais une RTC, vas-y. RTC. Vas-y. RTC. Christina. Christiana. Christiana. Cristiano. Ronaldo. C'est joueur de foot. Comme Messi. Cavani. Zlatan. On joue au foot. C'est une fusée à pompe. Wesh Martin, ah oui, t'as coupe de cheveux. C'est comme les perroquets bleus. Il s'éteint les cheveux en bleu. Quand tu viens, on dirait un coq. Quand tu manges des graines, on dirait une poule, c'est un poulailler. Et bicrave des graines, on dirait un mec de quartier. Quand t'es un coq, on dirait un dealer. Quand tu passes, t'es un soldat. Mais tu bicrave des graines, c'est du bédo, c'est du shit. Quand tu fumes ça, tu bédaves. Quand t'es un fermier, arrête de bouffer des graines, c'est du shit. Quand ça, tu seras monstrueux, on dirait un zombifié. Quand tu vas passer. Ouais, RTC, c'est le gang, c'est bon, c'est bon. Quand t'es zombie, fais un jean zombie dans 13 fantômes. Quand tu passes, on te chasse. Ouais. Oh hey, oh hey. Chronique de Christina. Puis quand tu viens la gamo c'est arrivé. C'est une Porsche Cayenne, ma 416. Quand tu ramènes ta Gachi, elle est rose. On tient flamant rose quand tu passes. Elle sape en Gucci, Louis Vuitton quand tu passes. Bondi c'est le quartier avec des raclis. Quand tu viens Bondi c'est la street. Bondi a plein de raclis. Quand tu passes les raclis, ils viennent comme le soleil. Rien de soleil quand tu passes. Plein de raclis, elles sont belles. On dirait une Barbie quand tu passes. Les raclis sont belles, on dirait elles sont fraîches. Les raclis sont passes, elles passent. En Porsche Cayenne quand elles voient des mecs. On dirait dans Barbie quand tu passes. Mais on dirait un coq quand t'es moche. Quand t'as un coq tu bicraves de l'herbe quand tu passes. Les Barbies et les raclis passent, t'es trop bien. Quand t'es fraîche, t'es caliente, ça mouille, ça fraîche. Quand tu mets du parfum Gucci, t'es belle, t'es comme du Fendi. Mon gars je viens, je passe en féfé. Je roule en bus au 16 Merco OG Banks dans le quartier quand tu viens. Ça passe à la glace. Tes raclis vient, ça passe à Bondi comme le soleil que tu prends dans le 616. Mon gars c'est Doudou et Pepsi Gang MTR. Bien quoi mes rêves, bonne soirée. Quand c'est la soie, les raclis passent, les raclis vient. C'est le nom de Barbie, la raclis elle passe. Mais Doudou c'est pas, c'est un homme. Beaucoup de raclis, beaucoup de fumeux. Fumeux et les raclis quand tu passes. Tous c'est les stars bon. Arrivent. C'est bon. Bon appétit. Au revoir. Oh, bravo les, bravo les. Les. Ouais, 2050 l'équipe. Doudou, la musique. Ok, merci. Et c'était MTR avec Doudou DJ là. C'était ouais, c'est un peu, c'est bien, ça fait danser. Après les problèmes, et voilà, ils se mettent un peu patriotes maintenant. C'est ce qui manquait quoi. Ok, voilà Christina. Oui, c'est fini freestyle. Maintenant, c'est la chronique musique de Christina. Ah non, attends, c'est Jason qui est prêt pour le sport. Christina, après, c'est toi. On peut laisser non, passer. C'est Christina d'abord. Tu peux, Christina, tu laisses passer Jason ou tu vas. Bon. Oui, vas-y, Jason. Toi. C'est toi, ouais. Mais mets ton casque, comme ça tu écoutes. Mets un casque. Tu vas écouter mieux ce qu'on pense. Bon, Jason, qui est revenu de loin. Jason, tu t'es où, là? Attends, Jason, je vais t'aider. Jason, tu t'es où tout ce temps-là? Tu t'es en voyage? Tu t'es allé voir la... La Coupe du Monde, tu t'es où? Allez, au revoir. Attends, on lève ta casquette parce que au sinon revoir. Tu ne vois pas. Non, adieu. Mais... Voilà, voilà, Jason qui revient de loin, qui a fait, qui a tout dit, tout le sport, tous ces temps-là. Les matchs des huitièmes de finale, certains. Huitièmes de finale aller. Real Madrid, Atlético de Madrid. Ah, c'est moi qui rentre chez toi. C'est... But de Rodrigo à la 4ème minute. Égalisation par l'Atlético à la 32ème minute par Julian Alvarez. Et pour finir, un but de Brian Diaz. 2-1. C'est qui t'as mis ça? Ensuite, le plus gros score à le festival de but de Arsenal contre PSV Eindhoven. 18, 21, 31, 47, 48, 73 et 85, but pour Arsenal. Et 43e minute, un but d'honneur pour PSV Eindhoven. But de Elliott à la 87e minute entre Paris et Liverpool au Parc des Princes. 1-0 pour Liverpool. 8e de finale, le retour. Barça-Benfica. Ouverture du score par Rafinha à la 11e minute. Égalisation de Benfica à 13e minute par Otamendi. et but de Lamine Yamal à 27e et but de Rafinha à la 42e. Barcelone est en quart de finale. Les prochains matchs, quart de finale. Ah ouais, il y a aussi l'Atlético. Le Real s'est imposé 4-2 au tir au but contre l'Atlético. Premier quart de finale, Bayern-Inter, le 8 avril. Arsenal-Real Madrid, 8 avril. Et 9 avril, Barcelone-Dortmund et Paris Saint-Germain-Aston Villa. Et match à reporter de FC Barcelone à Osasuna jeudi prochain. Heure à définir. Allez, on te ramène droit, hein. On n'est pas comme toi. Hein. T'es pour les gars, t'as pas tu sais que tu vas arrêter par la police. Après, c'est un illégal, mais la police, c'est pas tu vois. Jason, tu. Je vais finir. Jeudi 27, jeudi prochain. Pas ce jeudi, mais la semaine prochaine. Ouais. But reporté de Osasuna suite à la mort de leur docteur. Ensuite, ils affronteront Girona le dimanche 30 mars à 16h15. Et ensuite, ils enchaîneront avec l'Atlético pour match retour, demi-finale retour. C'est tout. Merci, Jason. Et le 5 avril contre le Betis. Voilà. Merci pour ta chronique sport là. Tu t'es où là? Tu as fait voyage par tout le monde. Tu as vu la. Tu as vu le quart de finale de la. Non, c'est pas encore. C'est le 8 avril. Ah, là, le 8e finale. Huitième de finale, j'ai vu. Tu as vu le match Barcelone Benfica sur ma console. Ah ouais, cool. Et tu es allé avoir PSG machin là ou pas? Non. Bon, en tout cas, on est content là que tu. Que tu reviens avec ta chronique de sport, ouais. Ça nous manquait. Merci Jason. Ouais, sinon, on comprend rien au football après. Mm. Bon, Christiana, qui va rebondir sur l'amour là. Allez, Barcelone, pour gagner avec les champions. Ouais, voilà. Non, attends, Christiana, maintenant, Olivia. Je voulais juste dire que l'autre là, il me saoule. Il me fait chier. Une chronique de rien du tout, c'est mieux. C'est une chronique à Martin, quoi. Non, c'est elle là, maintenant. C'est une chronique, hein. Ouais, mais non. C'est bon. Vas-y, Christian. Je t'en prie. Bah, je sais plus quoi dire. Attends, je sais quoi dire, je sais quoi vraiment dire. Le mec là, il s'invente une vie. Moi je te laisse, hein. Moi je te laisse parler. Il s'invente une vie, il dit qu'il a trois meufs, en plus il est puceau. Il n'a jamais fait l'amour avec aucune fille. Je suis galant aujourd'hui, Après le reste. Et j'aime pas les mecs. Attends, je fais une rubrique, vraiment, sérieux. C'est bien. Inaltinho, tu peux faire de la musique, hein, c'est bien. Bon, moi, je vais faire une rubrique sur les. Sur. Je veux juste dire que la scène C8 et C-Star ont une confrontation. J'ai cassé deux trois télés. Et maintenant, on reste à voir. Oui, parce que tu avais un problème avec le soleil, tu m'as dit tout à l'heure. Avant, j'avais un problème avec le cinéma. Maintenant, le cinéma, c'est fini. Personne au cinéma. Et maintenant. Mais qu'est-ce qui se passe au soleil? Oh, je sais pas, c'est la télévision. Mais le soleil, qu'est-ce qui se passe? Dis-nous. Le soleil, fini aussi. C'est fini le soleil? Ouais. Et on va faire quoi sans soleil? Il y a du soleil, mais que pour les hommes. Pas... Ou que pour les femmes, je sais pas. Ok, d'accord. Ouais. Donc le soleil aussi, c'est un peu... Il y a un conflit entre les sexes. Bah, tu veux nous parler de quoi, mademoiselle? Bah, c'est je veux parler de l'intersex, parce que là, tu m'as vraiment agacé. Les femmes, ils ont droit, pareil que les hommes. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Enlève ton masque déjà. Non, c'est généralement. Pourquoi t'es si négatif avec les femmes? Non, je suis pas négatif, mais voilà, c'est mon point de vue. Mais toi, c'est quoi qui te dérange avec Mais c'est toi qui me déranges. Mais les hommes, c'est eux qui ont l'autorité, c'est pas les femmes. Non, non, en fait, tu me déranges. Pourquoi ta je te mère, dérange? Ta mère. Ma mère, je l'aime plus que toi. Ah bon? Moi, je t'aime pas. Moi, j'aime pas les mecs comme toi déjà. Pourquoi? Parce que t'es... Parce qu'ils sont autoritaires. Non, c'est parce que j'aime pas les mecs en jogging, déjà. Hein ? J'aime pas les mecs de... J'aime pas les mecs de cité. Non, je suis pas un mec de cité. Bon, je fais bien un sport, tu vois. Non, mais j'aime et pas. C'est pas une question de cité, c'est que l'homme, c'est lui le chef de la maison. Non. C'est, moi, j'y peux rien, moi. C'est pas moi qui l'ai inventé, ça. Non, c'est peut-être pas... C'est la Bible, c'est la parole de Dieu. De quelle parole de Dieu ? Dieu l'a jamais inventé, ça, hein. Ah ouais ? Non. Ben, regarde. T'es quoi, t'es musulman ? Non, je suis chrétien, moi. Ah bon, t'es chrétien et tu dis ces choses-là ? Ben c'est écrit dans Genèse, tu l'as pas lu ou quoi ? Mais en fait tu fous de ma gueule ou quoi ? Non, Christiana, il vaut mieux que tu te concentres, Antoine, on ne répond pas lui, parce que lui, il est en mode automatique, tu vois, c'est comme un robot, il répète la même chose tout le temps, parle autre chose. Moi, je vais parler de Non, arrête Vas-y, non, mais concentre-toi, Christiana, ne fais pas attention à ce qu'il est là, parce qu'il est en mode, tu vois, en mode Elon Musk. Non, mais je vais faire ma rubrique sur comment on peut être amoureux à deux ou à plusieurs, si on veut. Même les femmes, ils ont droit à avoir de l'amour à plusieurs, avec plusieurs personnes. C'est pas parce que la meuf elle a plusieurs mecs, ça veut dire que j'ai une salope, c'est pas une salope du tout. Donc toi, pour toi, une femme elle peut être polygame, ça ? Ouais. Oh, je laisse ça parler. Non, j'ai pas compris, c'est pour ça. Mais toi, t'es un polygame ? Quoi ? Sans indiscrétion, tu es polygame ? Non, je suis pas polygame, je suis polyamoureuse. C'est ça, c'est le contraire de l'homme, non ? Avoir plusieurs hommes. Oui. Et tu penses que tu peux le faire, ça ? Oui, ben je le fais déjà. Ils le savent ou ils le savent pas ? Ben ils le savent. Ils sont pour, ils sont comme moi. Ils sont pour ou ils sont contre ? Ils sont contre. Ah, ouais. Pourquoi ? Non, c'est pour savoir, parce que c'est rare. Des femmes qui... Bon, c'est pas rare, mais genre qui sont d'accord. Avec une femme et plusieurs hommes, tu vois. C'est rare. Ben ça se faisait à l'époque, dans les années 90. Moi, ça se fait pas maintenant. C'est où t'as vu ça ? Dans le côté hippie. Mais où t'as vu ça, que ça se faisait ? Ben, tu connais pas les hippies ? Les gens hippies dans les années 80, dans les années 90. Même 70, 60. Ouais. Ouais. Julie Jim. Pas le micro. Alors, les hippies, tu connais pas les hippies ? Julie Jim, par exemple. Bah oui, Jimmy Jim. Moi, j'ai vu le film, en plus. Mais tu crois au mariage ? Genre, une seule personne ? Un mariage, est-ce que toi tu penses que c'est mieux un mariage ou c'est mieux d'avoir plusieurs hommes ? Non, je vais pas me marier. Mais ah ouais, même toi t'es contre le mariage ? Non, je suis pas contre le mariage. Mais c'est pas ce que tu préfères ? Non. Ok. Bon, continue à parler, Christiana, ne répond pas à lui, c'est tout le temps. Hein. C'est pas ça que c'est pas. Tu fais toujours l'enquêteur, mais ne parle pas des fois de toi. Ouais. Bah, ben voilà. Ok, mais laisse-la parler parce qu'elle a envie de parler. C'est pas parce qu'une femme a plusieurs hommes que c'est une salope. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est pour vous dire. Parce que une femme, c'est pas parce qu'une femme, elle suce un mec que c'est une salope. Toi, là, aujourd'hui, t'es en roue libre. Hein. Mais je vous explique. En fait, t'es contre le jugement. Voilà. Le jugement contre la femme. Je fais le rembattre. Oh. Bon, mais respectons-nous, hein, chacun a sa position comme il veut ici. Hein, il y a des gens qui font le ramadan, des gens qui parlent de sexe, enfin, la liberté d'expression. Mais en même temps, essayons de ne pas empêcher l'autre d'exprimer ce qu'il a envie de parler, de ne pas imposer une vérité sur l'autre. On est sur les multiples vérités ici. C'est pas parce qu'une femme elle a fait l'amour avec plusieurs hommes que c'est une salope. C'est pas une salope. Elle a le droit d'avoir des envies sexuelles comme tout le monde. Les hommes, ils ont des envies sexuelles avec plusieurs femmes, on leur dit rien. Pourquoi la femme, elle a pas le droit d'avoir des envies sexuelles avec plusieurs hommes ? C'est pas, on craint ta réponse, parce que toi, tu vois, tu as des positions qui sont tellement rasbines, tu vois, dangereuses même, que tu fais un peu le terroriste de la radio, quoi. C'est pour ça, tu veux que je te réponde ou... Non, on veut pas que tu répondes, on va passer à autre chose. Vas-y, Dune, est-ce que tu as des choses à dire ? Parce que sinon, on va partir encore sur moi, franchement, je m'étonne encore de me voir m'énerver encore et encore pour des bêtises qui, en fait, n'en valent pas la peine, mais c'est plus fort que moi. Non, mais t'es pas chroniqueur, en fait, ici, tu vois. T'es pas là pour dire, voilà, réponds, voilà. Continue, ça va. C'est déjà exprimé. Mais moi, j'ai pas envie de dire ce que je pense, parce que tout le monde sait ce que je pense. Moi, je sais pas, moi. Voilà, c'est pas là, ça n'a pas d'intérêt. Alors, tout ce que je sais, c'est que tu as une capacité à mettre les nerfs. Tu t'es senti visé. Capacité. Ah non, pas du tout. Mais je ne sens pas visé. C'est bien que je viens de comprendre. Je savais pas. Mais en fait, il ne faut pas confondre chienne de garde et féministe. Je suis féministe. Ouais. Je défends les droits des femmes. Oui. Mais je respecte la place de l'homme. Bah, c'est bon, alors. Bah oui. Alors enfin, pourquoi tu t'étonnes de ce que je disais? Mais parce que tes propos, ils sont... On n'est plus dans les années 50. Ils sont d'un temps ancien. D'un temps ancien. Les années 50. T'as répondu à ce que j'ai dit? Non, je sais pas. Écoute, t'as une manière de formuler les choses, ouais, franchement, pour faire attention à la manière de tout. Un jour, tu vas te manger une baffe de la part d'une femme. J'ai failli. Et franchement, je ne le souhaite pas, mais tu risques de te prendre des volets parce que t'as une façon de parler qui fait vraiment. Non, mais c'est irrespectueux au plus haut point. C'est tout. Après, tu respectes pas les femmes. Tu respectes pas la femme et tu respectes pas ta mère. Bah si, parce que si tu respectais les femmes, tu parlerais pas comme ça. Mais c'est quoi que j'ai dit qu'il est mauvais? J'ai pas envie de revenir là-dessus, non, c'est fatigant. Non mais on va pas refaire ton éducation. Ton éducation, tu dois la faire tout seul. C'est juste que l'homme a sa place, la femme a sa place. Parce que moi je vois beaucoup de femmes maintenant de notre temps qui sont beaucoup masculines, tu vois. Moi, j'aime pas ça, moi. Il n'y a pas d'hommes qui se féminisent, chacun. Oui, il y a, en fait, il y a des hommes qui sont homosexuels, ils sont féminines. Non, mais je parle pas d'eux. Moi, je parle. Tu sais, il y a beaucoup de femmes maintenant qui veulent se masculiniser. Chacun moi, fait j'aime comme pas il ça. Veut. Chacun ça, fait comme il que veut. Chacun doit avoir sa place, tu vois. En fait, il y a des hommes qui font comme les femmes. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste ça, en fait. Si c'est vrai, il y a des hommes qui font comme les femmes. C'est vrai, hein. Moi, ça me dérange pas. Moi, je respecte la femme, je veux qu'elle ait ses droits, mais faut pas qu'elle en abuse, c'est tout. Juste ça. Mais elle n'abuse pas, pourquoi tu veux qu'elle abuse? Il y en a, pas tout le monde, mais il y en a, elles abusent. Tu vois. Et si elles en abusent, il est où le problème? C'est pas ton problème. Justement, ça casse cette. Attends. Justement, ça casse cette relation entre les hommes et les femmes. Tu vois. Ah, bien sûr. Justement, ça casse cette relation entre les hommes et les femmes, tu vois. C'est juste ça. C'est dommage. Faut évoluer. Hein. Franchement. On n'est plus dans les années 80. Toi-même, tu l'avais dit, quand tu dragues une femme. Mais tu sais pas draguer! Non, tu veux draguer une femme maintenant, dans ce temps-là. Normal, tu vas regarder la fille maintenant. C'est plus qu'à m'avoir, elle va être contente d'être heureuse de se faire draguer. T'es d'accord avec moi ou pas? Dis la vérité. Ça dépend ce que tu lui sors comme bêtise. Mais le temps, on avait parlé de ça, je me rappelle. Hein. Entre les gens qui rentrent et qui sortent depuis tout à l'heure. Mais le temps, on avait parlé de ça. On avait parlé de ça, mais t'as oublié. Ouais, j'ai oublié. Y'a pas un sucre? Non, mais serre pas ton poing, c'est. Mais serre pas ton poing! Non, je suis pas serré mon poing! Ah, arrête, serre ton poing! Non, mais après, voilà, c'est juste pour te dire que maintenant les femmes, elles aiment pas qu'on les drague, Tu sais pas draguer, c'est tout! T'es macho, tu sais pas draguer! Elles regardent mal! Elles sont pas contentes! Non, t'as capté ou pas? Il s'est pas dragué, c'est tout. T'es un jeune, tu t'es pas dragué. Moi, je suis ton grand frère. Oui, alors. T'as quel âge? On va passer sur la chanson là. Moi, je suis plus âgé que toi, alors, papa. Tu as quel âge? 34 ans. T'as 34 ans? T'as juste 4 ans de plus que moi, c'est tout. On revient sur les ondes de Métanoïa qui nous reste 2 minutes. Frère, pourquoi? Alors, tu voulais dire quoi, d'une? Oui. Non, j'habite pas ici. Tu voulais chanter? Ah non, je voulais pas chanter. Je sais pas chanter. Il y en a un qui sait chanter, c'est CJ. CJ. Tu veux chanter? Oui. Ouais. Ah, on va chanter. Bah, on peut chanter tous les deux, hein. Bon, mes femmes, ensemble. Ah, c'est bon, je vais chanter solo. Il est vrai, j'ai trop d'adversaires. Depuis que j'ai quitté la terre, terre ferme. Ils feraient tout pour me faire taire. Mais derrière moi, j'ai de vrais, vrais frères. Tester à quoi ça sert? C'est comme faire le ram-tam sans prière. Laisse-les parler, moi, j'ai rendu le daron fier. Je suis pas prêt à tout pour leur plaire, plaire, plaire. Hey hey hey hey hey. Voilà, le Métanoïac, on arrive à la fin. Il nous reste 1 minute. On a Naïe à nouveau qui a une super voix. Et qu'on a essayé un peu de la musique, vas-y. On finit avec Naïe et puis un peu de rythme que je mets là. Sur elle maintenant. Il est vrai, j'ai trop d'adversaires. Depuis que j'ai quitté la terre, terre ferme. Ils feraient tout pour me faire taire. Mais derrière moi, j'ai de vrais, vrais frères. Tester à quoi ça sert? C'est comme faire le ram-tam sans prière. Laissez parler, moi, j'ai rendu le daron fier. Je suis pas prêt à tout pour leur plaire, plaire, plaire. Bon. On était les Métanoïacs. Merci beaucoup. Bonne soirée. À la semaine prochaine.